qu'ils ont encaissé. Ça parle de ma vie à tout le monde, ils veulent me blesser. Pourtant, par aidez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont fait des trucs qu'il faut pas, oui, je les ai laissés. Moi j'ai une mentale, ils arrivent pas à suivre. J'suis sentimental, là, mon cœur il se livre. Des fois les problèmes, oui, ça me rend ivre. J'ai tellement vécu que je pourrais faire un livre. J'donne toujours alors que faut que j'fasse croquer, plus personne va comprendre. J'refais toujours pareil, c'est mon cœur qui parle, c'est Dieu qui donne. Ne fais pas de tracas, comme un Ninetta. Pense à ce haut placard, une bombetta. Moi j'ai pas de AK, j'ai mes lunettes. T'as brisé l'omerta, comme Bouchetta. Faut pas que tu touches la cosa, faut pas que tu touches la famille, faut pas que tu touches la coca, faut pas que tu touches. Qui dissout du maxi push, si ça me pète, j'mets la capuche. Pour moi y'a des gens qui bougent, fais plus du ski, tu fais de la luche. Tu te la mets trop près des yeux, tu louches. Avant j'avais plein d'amis, maintenant j'ai plein d'ennemis. Mais c'est pas grave, y'a mon frangin, toujours chargé pas loin de mi. C'est des bâtards passent devant eux, et surtout ne fais pas de mi. J'savais pas que j'allais avoir autant de jaloux dans cette putain de vie. Tous les jours j'm'en fume, j'fais plus de sport, c'est le confinement. J'suis dans Call of, je chine, j'fais du ravitaillement. J'fais des tournois club pro, faut finir premier du classement. J'fais du bruit quand j'sors chez moi avec ma voiture allemande. Ne fais pas de tracas, comme un Ninetta. Ça c'est au placard, une bombetta. Moi j'ai pas de AK, j'ai mes lunettes. T'as brisé l'omerta, comme Bouchetta. Faut pas que tu touches la cosa, faut pas que tu touches la famille, faut pas que tu touches la coca, faut pas que tu touches. Qui dissout du maxi push, si ça me pète j'mets la capuche. Pour moi y'a des gens qui bougent, fais plus du ski, tu fais ta luche. Tu te la mets trop près des yeux, tu louches. Ne fais pas de traca, j'ai ma Ninetta. Force à ce haut placard, une bombetta. Moi j'ai pas de AK, j'ai mes lunettes. T'as brisé l'omerta, comme Bouchetta. Faut pas que tu touches la cosa, faut pas que tu touches la famille, faut pas que tu touches la coca, faut pas que tu touches. Qui dissout du maxi push, si ça me pète j'mets la capuche. Pour moi y'a des gens qui bougent, fais plus du ski, tu fais de la luche. Tu te la mets trop près des yeux, tu louches.